L'Institut d'amitié culturelle péruvien coréen a inséré dans leur page d'internet les œuvres classiques du président Kim Il-sung, notamment le troisième chapitre « Réunifions la patrie en toute indépendance et par voie pacifique » du rapport d'activité du comité central présenté au 6e congrès du Parti du travail de Corée et le programme en 10 points pour la grande union de toute la nation.